parce que j'ai des collègues qui n'en ont pas eu besoin et qui. J'ai une collègue qui avait, elle ne conduit pas. Elle a son permis, mais elle ne conduit pas. Elle n'a jamais eu besoin. Alors là, bon, ben, ça m'a obligée, puis après, ben, j'ai continué et je suis bien contente. Parce que là, j'ai la voiture et je peux sortir. Parce que pour faire les courses. Oui, je suis indépendante. J'ai pas besoin de demander. Parce que les transports, c'est pas. Mais il y a les transports, il y a les cars aussi. Mais moi, j'habite pas des fleurs. Alors le car, il est là où il est en haut. Ça fait un peu loin pour aller au car. Bon, c'est pas que j'y vais pas, mais faut pas être trop chargé. Hein. Et pour faire les courses, on va où quand on est parti? Ben moi, je vais. En principe, je vais chercher mon pain à Lyon. C'est pas moins loin, la fonderie, à Lyon. Sinon, je vais un peu à Bourg-Bazan, parce que j'ai le médecin, j'ai des médicaments à Bourg-Bazan. Et sinon, je vais à Vizille. Je vais à Vizille, ben, je laisse ma voiture et je prends un Trans-Isère et je vais à Grenoble. Ah, bah oui. Ouais, c'est bien pratique.